Thank you. on est rien, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous casse et nous passe sans songer à demain. Dans mon lit, comme il fait d'eux, bien tranquille, près de ma tête, sous les grands cocotiers qui se balancent, en silence, nous rêvons de nous. On est un parfum d'amour, se faufile dès la fin des jours. Elle a comme tendance et moins docile, douce et fragile dans ses plus beaux atouts. Ses yeux qui brillent, ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin. Et nous jouons au jeu d'Adam et Ève, j'ai passé. Dans mon nez, ah comme on est bien. Oh, dans mon nez, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse et l'on paresse sans songer à demain. Dans mon île, comme il fait doux, oh, oh, bien tranquille, près de ma doudou. Un ailleurs C'est une chambre avec vue. C'est un ailleurs, un lien où j'ai vécu quelques bonheurs passés et inapercés. Quelques douceurs avec une inconnue que j'ai connue. C'est le grand air, c'est une chambre avec vue. C'est le grand air, juste un coin de la rue. Une vie entière. Des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare. Je veux une mascarade, un verre et un cigare. Oui, un verre et un cigare. Nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois ça. Un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares et des lumières. Des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade, un carnaval à Bornéo. Nous deux, un temps à trois temps, je veux encore une fois seulement. Un tour de manège, un tour de manège, un tour de manège avec toi. Un tour de manège, un tour de manège, un tour de manège avec toi. Thank you. milliers de chats, des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare. Je veux une mascarade, un verre et un cigare. Je veux une grande parade, une retraite au flambeau, des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade, un carnaval à Bornéo, un carnaval à Bornéo, un tour de manège avec toi, un dernier tour de manège avec toi, des feux de joie. Thank you.